cheveux colorés. Manu Dupon est prêt pour la baston. Le dragon est comme peur, ne lui fait pas peur. Il est prêt à stopper son identité. Les cheveux crépus, les dreadlocks jusqu'au cul. Bob le Rasta est prêt pour le tombard.